le débat est ouvert. Tout à fait. Alors, ça. Moi, je rebondirais bien immédiatement. C'est pour. C'est pour dire que bon, on sait tous qu'en France, l'école, c'est une scène politique, c'est la scène politique par excellence. C'est une scène tout à fait paradoxale puisqu'elle concerne des enfants, des mineurs. Et qu'on voit bien qu'il y a une image très fétichisée, en fait, donc aussi complètement idéalisée de la République française laïque. Moi, je crois que ça, c'est un élément qui est historiquement ce surinvestissement que tout le monde constate de l'école en France, surinvestissement aussi de ses possibilités. Je pense que ça permet aussi de comprendre que l'arabe soit considéré comme une langue rare. Parce que, par exemple, aujourd'hui, le débat, c'est qu'est-ce qu'elle est la langue qu'on va parler dans les mosquées? Est-ce qu'on va parler le français ou... Mais moi, je suis très, très frappée par le fait que la majorité des gens qui vont dans les mosquées sont en arabe complètement analphabètes. Ils sont complètement analphabètes parce que forcément, c'est une langue qui s'apprend. Hein. C'est pas juste une langue qu'on comprend comme toutes les langues. C'est pas juste une langue qu'on comprend comme ça, et le Coran, c'est un texte difficile comme tous les textes. Donc, mes étudiants, par exemple, de classe préparatoire, les quelques étudiants que j'avais qui faisaient de l'arabe, une année, avaient cours, imaginez-vous, le samedi après-midi au lycée Louis-le-Grand. C'était les seuls à avoir cours le samedi après-midi. Donc, c'est pas. Vous évoquiez par exemple la question des anthropologues. Moi, j'aimerais bien qu'ils aillent à Louis-le-Grand et à Henri IV, là, les anthropologues, ça ferait du bien aussi. Hein. Ça remuerait un peu. Parce que finalement, vous voyez, la charge du travail, elle est complètement attribuée à certains et pas à d'autres, comme si l'assimilation c'est pas un processus qui implique deux parties, mais c'est comme si c'est un processus qui implique seulement une partie qui doit aller vers l'autre. Donc on voit évidemment le paradigme complètement fumeux qui se trouve dans le soubassement de cette visite des anthropologues à Aubervilliers. Moi je dis oui pour les anthropologues, mais partout. Et pas seulement à Aubervilliers, parce qu'on va toujours dire Aubervilliers. Et puis, la dernière chose que je voudrais juste ajouter à propos d'Abdennour Bidar, c'est qu'en fait, il y a un usage, bon, sur lequel je n'ai pas de critique du tout à formuler, ce n'est pas la question, il y a un usage particulier qui est fait, par exemple, de ces textes, c'est un usage qui consiste à faire référence à des gens pour juger, non pas pour connaître. Alors là, si c'est la porte ouverte au jugement de valeur, moi, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que ce n'est pas intéressant si c'est pour juger que tel est un islamiste, que l'autre, etc., ou qu'il a une position extrême. Moi, je trouve que c'est plus intéressant pour chacun, et surtout dans la perspective de l'éducation, d'ailleurs. Parce que, bon, je trouve que c'est plus intéressant d'apprendre à connaître que d'apprendre à juger, parce qu'il y a un petit risque idéologique. Dans l'apprentissage et à juger, qui déjà, si vous voulez, a priori, m'inspire de nombreuses réserves. Bon, je m'arrête parce que. Oui, je voulais également faire quelques interventions, quelques remarques, mais comme je vois des voix se lever, qu'on a peut-être, par rapport au temps, beaucoup parlé, je vais peut-être laisser, ou alors très brièvement, peut-être. Très brièvement, oui, je sais plus, mais on a l'habitude habituelle d'opposer souvent la démocratie, la démocratie, la citoyenneté conquise à la démocratie, la citoyenneté octroyée. Et je crois qu'on a bien raison de le faire. Et effectivement, je ne voudrais pas qu'on évacue comme ça, même si on comprend bien que l'école est dans, aussi dans une fonction de reproduction des l'hégémonie et des dominations, on comprend bien qu'à la marge, effectivement, il peut y avoir des expériences intéressantes qui sont faites, et tant mieux, mais ça reste quand même à la marge. Après, moi, j'ai été très sensible à votre intervention sur la marginalisation des intellectuels qui ne sont pas, effectivement, dans le dogme, qui ne fonctionnent pas dans la, quelque part, la mystification et la diversion des concepts. C'est vrai que nous, moi je le vois bien, et c'est vrai que et c'est nécessaire que des universitaires, des penseurs puissent s'exprimer, mais il y en a trop peu, malheureusement, en tout cas ceux qui ne marchent pas dans les combines, ceux qui ne marchent pas avec la machine mortifère qui continue en libre. Et on voit bien aujourd'hui la gravité de la situation, avec notamment 2000 morts par an en France dans la rue, par exemple, dont on est très peu de lignes dans les... ça ne fait pas grand bruit, grand presse. Ça, c'est un aspect. Et moi, ce que j'aime bien dans... Pardon de revenir très, très rapidement sur Reprenons l'initiative, c'est justement que ça fédère, ça fait penser, ça fait interagir des militants et des chercheurs aussi, comme Saïd Bouamama, comme Eric Fassin, comme Olivier Lecourt-Grandmaison, comme Abdelali Hadjadj et d'autres. Et c'est nécessaire que nous aussi, dans nos... Que des femmes. Comment ? Que des femmes. Il y a aussi, il y a Nassira Kenif, effectivement, il y a Nassira Kenif, comme femme, mais effectivement, c'est vrai que, oui, c'est à l'image de la société, le milieu universitaire me semble aussi, en termes de genre. Bon, mais, donc voilà, cette dynamique-là me semble importante, et on sent bien qu'aujourd'hui, voilà, des intellectuels, parce que c'est une guerre qui est menée en interne, sociale, il y a des diversions, par exemple, dans les concepts qui veulent aujourd'hui pas dire qu'on a l'égalité des chances, c'est comme si l'égalité était une question de hasard, non, c'est une question d'égalité des droits, et pas d'égalité des chances. On a sur l'antiracisme aussi, on reste dans un truc un peu universaliste, un peu abstrait, etc., alors que le racisme a muté, et on le voit bien, on n'est plus sur une question de racisme biologique, enfin, s'ajoute au racisme biologique le racisme culturel, où là, effectivement, il est question d'un eux et d'un nous. Mais donc voilà, il y a plein de comme ça, un peu de concepts un peu fourre-tout, abstraits, qu'on nous balance et qui sont repris et qui nous désarment complètement, parce qu'effectivement, ça met de l'abstrait, ça met du flou, ça met de et puis ça, voilà, et ça permet surtout de ne pas nommer les réalités pour pouvoir les transformer. Et en ça, le travail effectivement intellectuel, le travail universitaire en lien avec les luttes, parce que je pense que la question du rapport de force va se poser de toute façon de plus en plus, parce que je ne pense pas qu'il y aura d'avancée émancipatrice, que ce soit à l'école ou autre part, sans qu'il y ait un front de lutte pour conquérir. Pardon. Il y avait donc qui souhaitait prendre la parole là. Juste pour revenir sur le projet du lycée de la Colombe, si il me semble. Si j'ai bien compris, en fait, il y a eu un colloque, mais en fait, c'est un projet qui était sur toute l'année et qui est peut-être hebdomadaire, qui est co-construit en fait entre une équipe pédagogique. Je pense que c'est des profs de philosophie et d'histoire géo et les lycéens. Et donc, en fait, si ça n'a pas lieu à Villeurbanne, par exemple, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit une question de la Courneuve, c'est plus une question d'études pédagogiques. Après, pourquoi cette équipe pédagogique qui se retrouve à la Courneuve et pas à Villeurbanne, il y a beaucoup de choses à discuter à propos de ça. Mais du coup, je ne pense pas que ce soit un projet du ministère qui ait été accolé à ce. Sophie. Oui, je suis d'une certaine façon, par certains aspects de mes recherches anthropologue. Donc je vais transmettre aux anthropologues de l'école l'invitation à aller à Louis le Grand. Et quelque part, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un CAPES d'anthropologie et qu'il n'y ait pas un enseignement d'anthropologie à l'école? Il y a l'histoire, il y a la géographie, les mathématiques, pourquoi pas l'anthropologie? Parce que les anthropologues se plaignent beaucoup, parce qu'ils n'ont pas de possibilité d'enseigner dans les collèges et les lycées. Moi, je dirais quelque chose qui est un petit peu à côté, en fait, de votre remarque. C'est qu'il n'y a pas de formation professionnelle dans l'éducation nationale. La seule formation professionnelle qu'il y ait, c'est pour des gens qui n'ont pas les concours et qui envisagent de passer des concours. Alors, par exemple, en philo, c'est comment réussir sa dissertation d'agrég en 10 leçons. Voilà, mais si on a déjà l'agrégation, il n'y a plus rien. Donc, en fait, si vous voulez... Tout ce qui est dit, d'ailleurs il y en a qui le disent, c'est-à-dire que tout ce qui est dit à propos d'une scène, c'est-à-dire la scène, autrement dit, ce qui est visible, laisse de côté tout ce qui est vraiment, comment dirais-je, qui n'est pas sous le regard des parents et donc du public, en fait. Et moi je pense que... J'ai aucune idée sur votre proposition, en fait. Je n'ai pas de jugement, mais je pense que les professeurs sont... Enfin, il y a des choses qui manquent de façon générale et dans des cas d'espèce, en plus, qui ne sont pas... Que l'institution à laquelle l'institution ne répond pas, c'est une institution, de toute façon, dans laquelle il n'y a pas d'interlocuteur. C'est tout. Donc, en définitive, moi j'ai un certain point de vue. Je pense que, un certain point de vue, je vais le dire d'une façon extrêmement schématique, extrêmement simpliste, mais les effets d'abus de pouvoir, d'excès d'autorité, n'est-ce pas, que l'on trouve de l'administration à son personnel enseignant, se reportent sur le rapport des enseignants à... Je le dis de façon vraiment simplissime, hein, évidemment, ça ne peut pas tenir comme ça, mais il y a une habitude de la violence, en fait. Il y a une grande familiarité avec la violence, et je pense que le personnel enseignant ne peut pas, sauf le cas... Voilà, mais disons, dans le statistiquement, ou dans la structure, je ne sais pas comment on dirait, ça se reporte sur les... Il y a des choses qui paraissent, ça me frappe tout le temps, hein, c'est mon univers professionnel, il y a des choses qui paraissent tout à fait acceptables alors qu'un œil extérieur les jugerait scandaleuses. Christian ? Je voulais ajouter un film à votre liste. Il est moins ambitieux que ce que vous évoquiez, c'est Taxi. Ouais. Taxi est un film merveilleux sur comment on devient français. Voilà. Et comment on fait des enfants entre gens qui sont d'origine différente. Je trouve ça sensationnel. Alors, autrement, plus sérieusement, j'ai une question à vous poser sur la façon dont vous avez nommé cette initiative pour reprendre l'initiative, donc ce front uni des immigrations et des quartiers populaires. Chaque mot a un poids très lourd, je crois. Et au fond, le choix d'avoir mis les immigrations au pluriel, et le choix d'avoir mis les quartiers populaires sans couleur, hein, d'avoir dit, au fond, qu'est-ce que c'est que ces quartiers dont on parle, n'est-ce pas ? C'est tout simplement des quartiers populaires. Donc tout ça, j'aimerais que vous nous en parliez, à la fois dans l'intention qui était celle de ceux qui ont choisi ces termes, et puis peut-être faire un bilan des effets de ces termes, c'est-à-dire est-ce que des gens se sont reconnus dans ces intentions-là. Parlez-nous, s'il vous plaît, de ce front. Et puis, une autre question, elle est un peu différente, c'est cet énoncé sur les immigrations ne se ressemblent pas toutes. Et moi, je veux dire que je suis un peu... Oui, sans doute, parce que d'ailleurs aucun d'entre nous ne nous ressemblons vraiment les uns aux autres, mais dans ce pays qui est un pays d'immigrants, hein, la France et les États-Unis et l'Europe, on le sait bien, et ceci depuis, bon, sont remontés à l'époque où on massacrait les Albigeois ou les Bretons. Hein, tout simplement dans les deux derniers siècles, bon, ça a commencé avec les Belges et puis ça a continué à l'infini dans une série de vagues tellement nombreuses qui ont fait ce pays. Voilà, donc on commence à voir en France une sorte d'expérience de la chose. C'est pas un hasard si on a un droit du sol comme les États-Unis et pas comme l'Italie, l'Allemagne, qui sont des pays d'émigration, etc. Donc on sait, on est ces États-Unis-là. Et je crois que il y a tellement de choses qui sont en commun dans ces immigrations qu'il faut peut-être aussi en parler un petit peu. Et en particulier, en commun, elles ont toutes été, les unes après les autres, victimes de discrimination. De discrimination par l'exploitation économique d'abord, et puis aussi par le mépris basé sur des stéréotypes culturels. Et Noiriel a fait à cet égard un très beau travail en faisant ressurgir ce qu'on racontait dans le début des années 1880, les Italiens du sud de la France, en l'occurrence c'était des Piémontais et des Vénitiens, des Italiens du sud de la France, c'est spectaculaire, il y avait tout. Il y avait les auteurs, les bruits, la violence masculine, la vendetta, le clientélisme, la corruption, l'enfermement des femmes, voilà, les crimes d'honneur, etc. Tout était là à propos, en effet, d'héritage. Et tout ça, c'était pas absolument des paroles en l'air, parce que ça a fini par des massacres. À Narbonne, à Marseille, 1882-1883. Moment de dépression économique. Donc c'est pour dire que on a peut-être aussi, je crois, intérêt à réfléchir à tout ce qui est de l'ordre de la répétition dans ces immigrations successives. Et puis s'il y a une différence, moi je la vois dans le fait que ou bien les gens sont arrivés au moment où il y avait de l'emploi, ou bien les gens sont arrivés au moment où il n'y en avait plus. Et ça c'est une espèce le climat des années 30 du XXe siècle français est un climat qui ressemble horriblement au nôtre. Avec des expéditions par train entier de travailleurs non nationaux pour la protection du travail national. Donc voilà, mon sentiment est que gagne-t-on à insister sur la différence entre les immigrations ? Voilà ma question. En d'autres termes, que gagne-t-on à mettre en avant le facteur postcolonial par rapport à cette longue histoire qui finalement bégaye peut-être encore aujourd'hui ? J'ai fini. Juste, il y a une chance qu'on ne peut pas du tout concevoir les immigrations sur le même plan, puisque comme vous venez de le dire, une immigration post-coloniale, il y a des structures mentales qui persistent à un bord de domination. Enfin, la France n'a pas occupé l'Italie pendant 130 ans, par exemple. Donc forcément que la relation est très différente, au-delà même des différences culturelles ou religieuses, etc. Je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer. Même s'il y a des facteurs similaires, des crises économiques, etc. Mais il y a un rapport colonial persistant dans la manière dont on perçoit les gens du Sud. Enfin, je ne sais pas, mais c'est... Les gens du Sud. Juste en complément de la différenciation, sans pour autant en unité de hiérarchiser quoi que ce soit, la différenciation entre les autres immigrations, c'est que... Les enfants d'immigration italienne, polonaise, etc., n'ont pas le stigmate, l'assignation, la désignation ne s'est pas transmise avec les générations. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est dilué, aujourd'hui, ils ne sont toujours pas montrés du doigt. Tandis que, je vais prendre mon cas, je suis né à Paris, j'ai immigré du 18e Barbès, j'ai traversé la Seine, j'étais dans le sud de l'Essonne. Pour autant, je suis né en France, français depuis, voilà, mais et même depuis quand on est français depuis 3-4 générations, ben les Antilles sont regardés par ailleurs comme des Noirs, non pas comme des. On est toujours considérés effectivement comme des Arabes, des Français musulmans, avec toujours des. Voilà. Où on doit sans cesse, selon l'espace symbolique, moi j'ai bien aimé la notion de montrer pas de blanche. Montrer qu'on est, pour l'égalité homme-femme, montrer qu'on ne fricote pas trop avec des gens un peu douteux, voire peut-être un peu je ne sais pas quoi, montrer que, voilà, on, et c'est cette violence, parce que, voilà, cette assignation, et plus l'espace, effectivement, est symbolique, et plus vous, parce que vous êtes Mac, vous appelez Farid ou Mohamed, etc., et plus vous devez justifier de quelque part votre... voilà, de tas de choses. Donc, voilà, ça se transmet. Il y a autre chose cette aussi. Cette assignation-là. Et donc, ça... Et ça a des conséquences, bien évidemment, dans le rapport qu'on va avoir avec la société, dans la place qu'on va occuper dans la société. C'est pas qu'une histoire de c'est mon voisin qui me traite de je sais pas quoi, ou qui ne m'aime pas, ou qui n'a pas ma tête. Là, c'est structurellement, ça a des conséquences dans ma vie sociale, dans ma vie politique. Depuis que je suis petit, où la police venait nous contrôler dans les quartiers, nous embarquer et nous disait c'est vous qui avez piqué, de toute façon on va vous faire parler parce que nous la torture ça nous connaît. On connaît la torture. Ça nous renvoyait, nous, à quoi ? Je suis d'origine algérienne. À l'histoire de mon père. Et voilà, j'ai fait l'armée où, en France, on avait un capitaine qui venait de la Légion, il m'appelait le Fellouze. Le Fellouze. Bon, des exemples comme ça, je peux les multiplier, mais ils ne concernent pas, mais ils concernent plein de gens issus de ma génération, etc. Donc ça fait une grosse différence entre les copains dans les quartiers populaires qu'on grandit, qui étaient effectivement d'origine italienne, d'origine espagnole, d'origine... C'est aussi, je veux abonder dans ce sens parce que, si vous voulez, les préjugés sont les mêmes, mais la racialisation n'est pas les mêmes. Vous avez pris une perspective historique, vous avez eu raison, parce que historiquement, on peut espérer qu'il y ait des choses qui se dissolvent un peu. Vous voyez, moi qui suis française, je dirais d'origine, je suis française d'origine. Je suis française d'origine, mais je ne suis pas d'origine française. Vous comprenez ? Peu importe que je sois française d'origine, de toute façon, vu mon nom musulman, c'est jusqu'à présent, il y a quelque chose, si vous voulez, d'un passé qui ne passe pas. Et c'est vraiment ça qui est le plus déterminant et qui fait que certaines populations sont associées à des problèmes. C'est un peu au-delà de ce que vous dites qui effectivement arrive à chaque vague, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est moins le rapport, vous comprenez, c'est une question de point de vue, c'est moins les rapports des Français en général aux nouveaux arrivants que le rapport des nouveaux arrivants aux Français. Et de nouveaux arrivants, j'inclus Farid Benahi. Vous comprenez qu'il n'y a rien à voir avec le nouvel arrivant, mais qui est dans la... comme s'il était encore le nouvel arrivant. Et moi aussi, comme si j'arrivais, alors que j'ai des grands-parents dans la Drôme, mais bon, les grands-parents dans la Drôme, et vous comprenez, le non-musulman, ça va pas du tout. Donc voilà. Et je dis ce que je voulais dire, c'est que les gens qui arrivent des univers... des ex-colonies ou qui sont issus mais voilà dans une transmission, ils connaissent beaucoup mieux les Français que les Français ne les connaissent. Il y a une dissymétrie très considérable que j'entends justement avec des gens qui viennent d'ailleurs parce que ils ont écouté les débats français, ils ont lu les livres français, ils lisent les journaux français, etc., etc. Vous comprenez, ils connaissent le personnel politique français, etc. Et les Français, eux, ils arrivent en France, ils ne voient pas les Français comme des étrangers, véritablement. Mais les Français les voient, eux, comme des étrangers radicaux. Et ça, ça n'existait pas pour les Italiens, qui n'avaient pas cette familiarité-là avant qu'ils arrivent, vous comprenez. Et là, il y a quelque chose qui est qu'on ne tourne pas, en fait, vous comprenez. On ne se tourne pas du côté de... quand je dis les nouveaux arrivants, vous avez compris, métaphoriquement. Et donc il y a quelque chose qui reste et qui se cristallise et qui passe pas à l'évidence historiquement, vous voyez, parce que si ce que vous disiez valait, excusez-moi, mais si ce que ça franchement, depuis le temps. Justement. Les années 60. Justement, c'est peut-être la perspective de Christian est sans doute pertinente sur la longue, la moyenne durée. Ce n'est pas. Je crois que les juifs, lituaniens, polonais, russes, arrivés dans les années 1880, n'étaient toujours pas admis en France dans les années 1940, la preuve. Je suis entièrement d'accord avec vous. On a des histoires de ce genre, je ne suis pas en train de. Non, mais je suis entièrement. Il faut aussi admettre qu'il y a aussi une répétition de la discrimination dans la durée. Eh bien, c'est tellement vrai ce que vous dites que c'était que c'était en filigrane dans les discussions sur lesquelles j'ai travaillé sur la question du port du voile en 1989. Il y a des choses qui sont parties de là et en filigrane. Il y avait, c'était la position de Lionel Jospin, c'est qu'il fallait que les musulmans suivent le chemin qui n'était pas pavé de roses que les juifs avaient parcouru avant eux. C'est-à-dire se noyer dans la population française. À ce moment-là, on tombe effectivement sur un problème de religion, c'est-à-dire que, quelque part, peut-être. Parce que bon, les Italiens, les Portugais, ils sont de religion catholique. Donc, ils sont chrétiens, ils ont une plus grande. Enfin, moi, j'ai toujours vu les choses un petit peu comme ça.